Marcel Schwab, Vies imaginaires. Pocahontas, princesse. Pocahontas était la fille du roi Powhatan, qui siégeait assis sur un trône fait en manière de lit et couvert d'une grande robe cousue de peau de raton dont toutes les queues pendaient. Elle fut élevée dans une maison tendue de nattes parmi des prêtres et des femmes qui avaient la tête et les épaules peintes de rouge vif et qui l'amusaient avec des hochets de cuivre et des sonnettes de serpents. Namontak, un serviteur fidèle, veillait sur la princesse et ordonnait ses jeux. Quelquefois, on la menait dans la forêt, auprès de la grande rivière Rapaanok, et 30 vierges nues dansaient pour la distraire. Elles étaient teintes de diverses couleurs et ceintes de feuilles vertes, portaient sur la tête des cornes de bouc et une peau de loutre à la taille, et, agitant des massues, elles sautaient autour d'un feu qui crépitait. La danse terminée, elles éparpillaient les flammes et reconduisaient la princesse à la lueur des tisons. L'an 1607, le pays de Pocahontas fut troublé par les Européens. Des gentilshommes décavés, des escrocs et des chercheurs d'or vinrent aborder dans la rivière de Potomac et bâtirent des cahutes en planches. Ils donnèrent aux cahutes le nom de Jamestown et ils appelèrent leur colonie la Virginie. La Virginie ne fut, en ces années, qu'un misérable petit fort construit dans la baie de Chesapeake, au milieu des domaines du grand roi Powhatan. Les colons élurent président le capitaine John Smith, qui avait jadis couru l'aventure jusque chez les Turcs. Ils serraient sur les rochers et vivaient des coquillages de la mer et du peu de froment qu'ils pouvaient obtenir par trafic avec les indigènes. Ils furent d'abord reçus en grande cérémonie. Un prêtre sauvage vint jouer devant eux d'une flûte de roseau, ayant autour de ses cheveux noués une couronne de poils de daim teinte en rouge et ouverte comme une rose. Son corps était peint de cramoisi, sa figure de bleu, et il avait la peau parsemée de paillettes d'argent natif. Ainsi, la face impassible, il s'assit sur une natte et fuma une pipe de tabac. Puis d'autres se formèrent en colonnes carrées, peints de noir et de rouge et de blanc, et quelques-uns à mi-couleur, chantant et dansant devant leur idole Oki, faite de peaux de serpent bourrées de mousse et ornées avec des chaînes de cuivre. Mais peu de jours après, le capitaine Smith, explorant la rivière dans un canot, fut soudain assailli et lié. On le mena parmi de terribles hurlements à une maison longue où il fut gardé par 40 sauvages. Les prêtres, ayant leurs yeux peints de rouge et leurs figures noires traversées par de grandes barres blanches, encerclèrent deux fois le feu de la maison de garde avec une traînée de farine et des grains de blé. Ensuite, John Smith fut conduit dans la hutte du roi. Powhatan était vêtu de sa robe de fourrure, et ceux qui se tenaient autour de lui avaient les cheveux décorés avec du duvet d'oiseau. Une femme apporta au capitaine de l'eau pour lui laver les mains, et une autre les lui essuya avec une touffe de plumes. Cependant, deux géants rouges déposèrent deux pierres plates aux pieds de Powhatan. Et le roi leva la main, signifiant que John Smith allait être couché sur ces pierres et qu'on lui écraserait la tête à coups de massue. Pocahontas n'avait que 12 ans et avançait timidement la figure entre les conseillers barbouillés. Elle gémit, s'élança vers le capitaine et mit la tête contre sa joue. John Smith avait 29 ans. Il portait de grandes moustaches droites, la barbe en éventail, et sa face était aquiline. On lui dit que le nom de la fillette du roi, qui lui sauvait la vie, était Pocahontas, mais ce n'était pas son vrai nom. Le roi Powhatan conclut la paix avec John Smith et le mit en liberté. Un an plus tard, le capitaine Smith campait avec sa troupe dans la forêt fluviale. La nuit était épaisse, une pluie pénétrante abattait tout bruit. Soudain, Pocahontas toucha l'épaule du capitaine. Elle avait traversé, seule, les affreuses ténèbres des bois. Elle lui chuchota que son père voulait attaquer les Anglais et les tuer pendant qu'ils seraient à souper. Elle le supplia de fuir s'il tenait à vivre. Le capitaine Smith lui offrit des verreries et des rubans, mais elle pleura et répondit qu'elle n'osait. Et elle s'enfuit, seule, dans la forêt. L'année suivante, les colons mirent le capitaine Smith en disgrâce et, en 1609, il fut embarqué pour l'Angleterre. Là, il composa des livres sur la Virginie où il expliquait la situation des colons et racontait ses aventures. Vers 1612, un certain capitaine Argall, étant allé faire du commerce parmi les Potomacs, qui étaient le peuple du roi Powhatan, enleva par surprise la princesse Pocahontas et l'enferma dans un navire comme otage. Le roi, son père, s'indigna, mais elle ne lui fut pas rendue. Ainsi elle languit prisonnière, jusqu'au jour où un gentilhomme de bonne façon, John Rolfe, s'éprit d'elle et l'épousa. Ils furent mariés en avril 1613. On dit que Pocahontas avoua son amour à un de ses frères qui vint la voir. Elle arriva en Angleterre au mois de juin 1616, où il y eut, parmi les personnes de la société, grande curiosité pour la visiter. La bonne reine Anne l'accueillit tendrement et ordonna qu'on gravât son portrait. Le capitaine John Smith, qui allait repartir pour la Virginie, vint lui faire sa cour avant de s'embarquer. Il ne l'avait pas vue depuis 1608. Elle avait 22 ans. Lorsqu'il entra, elle détourna la tête et cacha sa figure, ne répondant ni à son mari, ni à ses amis, et demeura seule pendant 2 ou 3 heures. Puis elle demanda le capitaine. Alors elle leva les yeux et lui dit « Vous aviez promis à Powhatan que ce qui serait à vous serait à lui, et il a fait de même. Étant étranger dans sa patrie, vous l'appeliez père. Étant étrangère dans la vôtre, je vous appellerai ainsi. » Le capitaine Smith s'excusa sur l'étiquette parce qu'elle était fille de roi. Elle reprit. « Vous n'avez pas craint de venir au pays de mon père, et vous l'avez effrayé, lui et tous ses gens, excepté moi. Craindrez-vous donc qu'ici je ne vous appelle mon père? Je vous dirai mon père, et vous me direz mon enfant, et je serai pour toujours de la même patrie que vous. Il m'avait dit là-bas que vous étiez mort. » Et elle confia tout bas à John Smith que son nom était Matoaka. Les Indiens, craignant qu'on s'emparât d'elle par maléfice, avaient donné aux étrangers le faux nom de Pocahontas. John Smith partit pour la Virginie et ne revit jamais Matoaka. Elle tomba malade à Gravesend au début de l'année suivante, pâlit et mourut. Elle n'avait pas 23 ans. Son portrait est entouré de cet exergue. Matoaka, alias Rebecca, filia potentissimi, principis poatani imperatoris Virginiae. La pauvre Matoaka avait un chapeau de feutre haut à 2 guirlandes de perles, une grande collerette de dentelle roide, et elle tenait un éventail de plumes. Elle avait le visage aminci, les pommettes longues et de grands yeux doux.